Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le mouvement City Beautiful ou les débuts de l'urbanisme moderne. Ce dont je suis fier, c'est la réhabilitation, la renaissance du quartier Saint-Roch, qui était une espèce de quartier virtuellement abandonné par la ville. C'est ce dont je suis le plus fier. C'est d'avoir ramené la beauté dans la ville et que les gens perçoivent que d'embellir la ville, ce n'est pas une dépense, mais bien plutôt un investissement acceptable. Tout l'esprit du mouvement City Beautiful, né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, est ici résumé par l'ex-maire de Québec, Jean-Paul Lallier, en entrevue à l'émission Pierre Nadeau rencontre en 2002. Jean-Paul Lallier fait partie de ces très nombreux maires qui seront, consciemment ou non, inspirés par ce mouvement City Beautiful, un mouvement né à Chicago en 1893 et dont l'empreinte est encore visible dans de nombreuses villes nord-américaines, parmi lesquelles Chicago, bien sûr, mais aussi Washington, Pittsburgh et Denver, pour n'en nommer que quelques. Inspired by the artistic urban aesthetic displayed at the Chicago World's Fair in 1893, a City Beautiful movement began to spread. Inspiré par l'urbanisme artistique présenté au moment de l'exposition universelle de Chicago en 1893, le mouvement City Beautiful a commencé à prendre racine un peu partout aux États-Unis. En 1904, le maire de Denver, Robert Speer, a implanté ce mouvement dans sa ville en rêvant de la transformer et d'en faire le Paris de la Rivière Plate. Speer began by transforming garbage-strewn Cherry Creek. Il a tout d'abord transformé le quartier délabré de Cherry Creek en une promenade bordée d'un magnifique boulevard. Des fontaines et des lampadaires décoratifs ont été installés et des parcs ont été construits. Les lignes électriques et téléphoniques ont été enfouies dans le sol. Les panneaux publicitaires sont désormais interdits et une nouvelle limite de 12 étages était imposée aux nouveaux édifices afin de préserver la vue sur les montagnes. And downtown building height limited to 12 stories to protect mountain views. Speer was also the first to green the city. Le maire Speer tenait également à verdir la ville et il a distribué gratuitement plus de 110 000 arbres aux citoyens qui voulaient les planter. Mais sa plus grande réalisation est sans conteste la construction du Civic Center de Denver, qui comprenait une bibliothèque, un amphithéâtre, des monuments, des fontaines et une grande passerelle vers le centre-ville. Le centre était encore en construction lorsque Speer est décédé en 1918, mais une fois complété, il est devenu l'un de ses plus grands héritages, transformant une ville des hautes plaines du désert en une magnifique cité. Leaving a legacy of shaded streets and verdant parkways that forever transformed a high plains desert town into a city beautiful. L'extrait de cette vidéo qui a été produite par la ville de Denver en 2013 résume à peu près parfaitement la philosophie qui est derrière ce mouvement d'urbanisme qu'on a appelé City Beautiful, un mouvement qui est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Pour nous parler de ce mouvement, de ce qu'il caractérise, de l'importance aussi que va avoir ce mouvement un peu partout aux États-Unis, je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Dans quel contexte, d'abord, naît ce mouvement City Beautiful? Oui, donc il faut remonter à la fin du 19e siècle. On est dans une Amérique qui s'est urbanisée, qui s'est industrialisée de manière très importante. Donc, on a de grandes villes industrielles qui ont pris forme et elles ne sont pas très belles. Elles n'ont pas été développées de manière très, très ordonnée ou coordonnée. Il n'y a pas de législation très contraignante sur le plan environnemental. Donc, on a des villes qui, sur le plan esthétique, sont plutôt désagréables. Et donc, il va y avoir différentes réactions à ce phénomène-là. Une de ces réactions est notamment la volonté de ramener les parcs dans la ville, par exemple, incarnée par le personnage de Homestead et ses propres ambitions. Mais là où Frédéric là, Homestead voyait le parc comme un refuge par rapport à la ville. Pour Homestead, le parc ne faisait pas partie de la ville. C'était une manière de ramener une certaine harmonie, certaine beauté naturelle au sein de la ville. Mais c'était pas la ville. Une espèce de contrepoids, d'alternative. Quelque chose à côté de cette espèce d'horreur qu'est la ville. Oui, exact. Et quelque chose qui a pour fonction de soulager ces pauvres citadins qui vivent ces horreurs de la ville. Absolument. Pour Homestead, le parc va permettre aux gens de trouver une certaine paix, de retourner dans la ville fortifiée, si on veut. Mais pour Homestead, il n'est pas possible de faire ça avec le reste de la ville. Ouais. C'est ce qui distingue Homestead des gens du mouvement City Beautiful. Lui, il ne croit pas vraiment qu'on peut embellir la ville en tant que telle. Le parc va être un refuge, un oasis, mais ensuite, on retourne dans le désert. Ouais. Donc, la différence, c'est que les gens du mouvement City Beautiful vont voir les choses différemment, même s'ils s'inspirent quand même beaucoup de Homestead. Le constat est le même. Ces villes industrielles qui se sont développées de manière un peu... c'est tout croche, le développement. Mm-hmm. C'est pas coordonné, comme vous le disiez. Exact. C'est le même constat. Il faut changer ça. Mais... des tenants du City Beautiful se disent, on va le faire, mm-hmm. on va transformer la ville en l'embellissant. Exact. Et à ce niveau-là, le grand tournant va être l'exposition donc de Chicago en 1893, donc qui va vraiment être le site où on voit le point de départ, si on veut, de ce mouvement-là. On the morning of May 1st, 1893, a crowd of over 300,000 people began gathering at a new city. Au matin du 1er mai 1893, près de 300 000 personnes se sont rassemblées dans une nouvelle ville bâtie sur les rives du lac Michigan, à 11 km du centre-ville de Chicago. Le ciel était gris et couvert, mais vers 10h30, il s'est éclairci. But around 10:30, the sky cleared. The sun shone down on a gleaming city. Les rayons du soleil ont ainsi fait reluire la ville. Une ville remplie d'immenses structures grandioses de taille quasi impossible. Une ville élégante avec des canaux et des colonnes de style classique, comme Rome ou Venise. Mais contrairement à ces deux villes, il ne s'agissait ici que d'une ville temporaire, bâtie en 2 ans dans un marais de Chicago. La presse la surnomma White City, bâtie pour accueillir l'exposition universelle de 1893 de Chicago, afin de souligner le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Et ce, même si la fête arrive une année en retard. Après 3 années de planification et de construction, l'exposition s'ouvre enfin. After 3 years of planning and building, today the fair would officially open. Extrait du documentaire Expo Magic of the White City, un documentaire réalisé par Mark Bussler en 2005. À quoi ressemble donc cette fameuse White City de l'exposition de Chicago de 1893, Harold Bérubé? Elle est censée incarner les principes du mouvement City Beautiful. Donc, ce mouvement-là va chercher des modèles ailleurs. Et on pense au Paris de Haussmann, on pense à Vienne et le Ringstrasse. Mais ultimement, le mouvement a des racines proprement américaines. Donc, avant d'en arriver à l'exposition, il y a un certain nombre de développements au niveau de l'architecture, de l'aménagement paysager. Il y a une professionnalisation de ces gens-là. Ces experts un peu convergent, ont des idées qui vont mener au mouvement City Beautiful. Mais la White City, cette exposition, va vraiment être la vitrine spectaculaire, un peu de ces principes-là et la synthèse de leurs idées. Donc, de quoi est-elle l'air? Le premier geste, oui, ce qui va... un geste spectaculaire. Voilà. Ah, oui. Donc, il faut l'imaginer. Il y a de très belles images disponibles en ligne pour ceux et celles qui voudraient se familiariser avec. Mais donc, on a affaire à une installation gigantesque, toute blanche, dans un style donc, néoclassique très, très monumental, parfaitement aménagé. Les infrastructures à l'époque, pour ce qui est de l'eau, du transport, de l'urbanisme, des déplacements. Donc, on a affaire vraiment à une ville qui est idéale. C'est vraiment une ville. C'est une cité modèle qui est proposée donc, aux habitants de Chicago. Et aussi, la ville, il faut le dire, elle tranche de manière brutale avec la grisaille de Chicago. Et les gens qui visitent la White City, ils vont être très, très nombreux. Elles peuvent comparer donc, la ville industrielle qui est derrière eux. Et cette ville rêvée, on se croirait dans un conte de fées quand on la regarde. Il y a quelque chose d'absolument, effectivement, majestueux. Elle a beaucoup d'eau. On faisait référence à Venise là, dans le petit clip. C'est vraiment donc, une ville qui fait la synthèse de toutes sortes de caractéristiques des villes européennes, mais également de tous les espoirs et les idées donc, des tenants du mouvement City Beautiful. Et notre ami Olmsted, dont on parlait un peu plus tôt à l'émission, duquel on a parlé également dans une autre émission, Harold Bérubé, il sera de cette aventure. Oui, absolument. Absolument. Donc, il y a plusieurs architectes derrière la White City. Olmsted est un d'entre eux. Il fait une contribution au niveau justement de l'intégration de la nature dans le plan des grands boulevards, justement pour le déplacement au sein de la White City. Mais il va être lui-même critique de certains aspects donc, de la forme que prend la ville. Et si on veut chercher un père, si on veut, à la ville en tant que tel, un chef d'orchestre et quelqu'un qui est à l'origine du mouvement City Beautiful, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder du côté donc, de l'architecte Daniel Burnham. Burnham's passion for classical architecture sparked a revolution. La passion de Burnham pour l'architecture classique a déclenché une véritable révolution lorsqu'il a été choisi comme designer en chef pour l'exposition universelle de Chicago en 1893. For the Chicago World's Fair of 1893. Burnham conceived the fair. Burnham a conçu l'exposition comme une collection de pavillons inspirés par l'architecture classique de la Grèce antique et de l'Empire romain. Ça a connu énormément de succès auprès du public, tellement qu'au tournant du 20e siècle, le classicisme s'était propagé partout à travers le pays, faisant de l'école de Chicago une approche du passé. Classicism was sweeping the country, and the innovative Chicago school already seemed passé. In Chicago, we have many examples of classically inspired buildings. À Chicago, plusieurs édifices inspirés du classicisme ont été construits dans les années suivant l'exposition universelle, dont le Insurance Exchange Building de Burnham avec ses nombreuses colonnes grecques. Ce classicisme a choqué certains architectes de l'école de Chicago, dont Louis Sullivan, qui préférait une architecture moderne. Selon lui, l'exposition universelle était une vraie calamité et une démonstration de pur charlatanisme. Il se plaignait qu'elle allait faire reculer l'architecture de 50 ans. He complained it would set architecture back 50 years. Extrait du documentaire Architects de Daniel Burnham, diffusé au réseau PBS en 2011. C'est donc Daniel Burnham qui est vraiment le maître d'œuvre de cette White City de l'Exposition universelle de Chicago. C'est quelqu'un qui est important, Burnham. Oui. Au moment de l'exposition, il est déjà connu, il a une carrière derrière lui. Il a fait partie, entre autres, de ce qu'on appelle l'École de Chicago. C'est amusant parce que Louis Sullivan, qui fait partie de l'École de Chicago, on l'entendait dans l'extrait, va être un des plus grands détracteurs, une des voix les plus critiques du mouvement City Beautiful. Mais pour qu'on comprenne bien qui est Burnham et quelle vision il a dans la tête quand il lance ce mouvement City Beautiful. Oui. C'est bon. Donc, il faut préciser que Burnham n'est pas le seul. Donc, ils sont un groupe. Burnham est la tête d'affiche. Il va être le chef d'orchestre. C'est lui qui va se positionner beaucoup comme le maître d'œuvre, le grand promoteur du mouvement, mais il n'est pas seul. Donc, voir un peu qui sont les... Architecte les... accompli, là, déjà, oui, à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, il est un des pères du gratte-ciel depuis des années. Donc, il œuvre à Chicago. Il a justement une relation justement complexe, une rivalité avec Sullivan. Ils n'ont pas les mêmes idées, notamment sur le plan esthétique. Sullivan est un tenant d'un modernisme beaucoup plus affiché que Burnham. Et il ne se gênera pas d'ailleurs pour l'écrire à ce sujet-là, mais aussi au sujet des gratte-ciels que construit Burnham. Et donc, Burnham, bon, il est architecte, un architecte accompli, effectivement, bien positionné au sein de la profession. C'est pour ça qu'il a une telle facilité à réunir toute une équipe derrière lui pour construire la White City. C'est 7000 ouvriers, on ne l'a pas dit, mais ça sera ah, ça, oui, la White oui. City. C'est un énorme chantier, il faut le dire. On, comme on le disait dans le clip tout à l'heure, on prend vraiment une sorte de marécage qui est au sud du centre-ville. On transforme tout ça en quelque chose qui ferait presque pâlir Expo 67 en termes d'ampleur, de magnificence. Donc, beaucoup de ressources. Et donc, ces gens-là qui sont-ils les tenants du mouvement City Beautiful, les gens qui construisent la White City et qui ensuite vont essayer de reproduire un peu ce modèle-là ailleurs. Donc, c'est un mélange d'experts. Il y a beaucoup d'experts, des aménagistes paysagers, des architectes. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ont un certain nombre d'alliés dans les élites municipales, des gens d'affaires qui sont intéressés par cette idée d'embellir pour assurer le développement, le positionnement des villes. Beaucoup de journalistes, de propriétaires de journaux vont se faire le relais de ce message-là, de cette idée donc de l'embellissement. Également un certain nombre d'experts, des médecins, des hygiénistes, etc. Ils ont leurs adversaires, il faut le dire. Il y a Sullivan, on l'a mentionné, mais donc il y a d'autres architectes qui ne sont pas très heureux avec cette idée, mais aussi beaucoup d'autres membres des élites municipales qui trouvent que tout ça est très dispendieux, c'est frivole, c'est une perte de temps. Ça coûte cher, la beauté. Oui, ça coûte cher, la beauté, c'est compliqué, on ne s'entend pas sur ce que c'est. Donc, c'est un peu les gens qui sont sur la patinoire. Il faut le dire, les gens du mouvement City Beautiful sont plutôt démocrates pour l'époque. Pour eux, il s'agit de convaincre la population d'appuyer ce genre de grand projet, ce qui est nécessaire de toute façon pour débloquer les fonds. Donc, il faut dire qu'ils sont très actifs dans cette idée de vulgariser un peu les principes du mouvement, de les diffuser auprès d'un large public. Donc, ce n'est pas un mouvement élitiste, contrairement à ce que certains des critiques vont peut-être dire. Donc, regardons maintenant un peu peut-être quels sont les principes et quelles sont les idées du mouvement en tant que tel. Donc, il faut le dire, c'est un mouvement qui se veut plutôt réformiste. Ce ne sont pas des radicaux, ce ne sont pas des gens qui veulent tout démolir et tout reconstruire. Ils croient justement en la nécessité de créer une coalition politique, donc de rassembler les gens donc derrière. La fonctionnalité, ce concept-là continue d'exister. On veut que ce soit une ville pratique, fonctionnelle, mais belle. Oui, exact, exact. Il y a vraiment cet aspect-là. Leur critique de la ville, donc, attaque deux choses. La laideur, un peu le chaos urbain, le fait que c'est développé sans planification. Mais ça aussi, on a tendance à l'oublier. Il y a aussi une critique de l'inefficacité des infrastructures développées un peu n'importe comment, mal arrimées justement au cadre bâti, tout ça. Donc, c'est d'allier l'utile à l'agréable. C'est vraiment ça le noyau, si on veut. Donc, reconnaissance de ces problèmes-là et que la solution passe par l'embellissement, mais aussi par un fonctionnalisme, une ville qui fonctionne bien et qui est donc efficace. Et cet embellissement, il passe par une architecture. Puis ça, ce sera une des grosses critiques. Là, les Sullivan qui disent que c'est un recul de 50 ans en arrière. C'est qu'il y a des goûts. Il y a le goût très particulier, personnel de Burnham pour le néoclassicisme. Oui. Bon, ça fait partie de la patte, de la signature City Beautiful. Mais il y a plus que ça. On parlait d'Homestead, il y a la verdure, les grands parcs, oui. les grands boulevards, les centres-villes. Oui, absolument, absolument. Construire un centre. Oui, oui donc c'est vraiment peut-être les deux grands fronts sur lesquels le mouvement City Beautiful va œuvrer pour proposer des projets. Donc il y a la question un peu de l'embellissement général, créer donc des parcs, des grands boulevards, ouvrir un peu à la Haussmann des percées pour qu'il y ait une bonne circulation dans la ville, pour qu'il y ait de belles perspectives, pour éviter l'entassement, la trop grande densification. Donc ça c'est un front important. Et effectivement, le centre des villes. Et l'idée est vraiment, on aime une certaine architecture monumentale, ça aussi on va leur reprocher d'ailleurs, puis on verra un peu plus tard pourquoi. Mais en gros, pour eux, l'idée de créer de grands bâtiments publics inspirants fait partie de cette idée très homestédienne de créer un environnement qui va transformer les mœurs. Les gens vont sentir un sentiment d'appartenance à leur ville. Est-ce qu'il y a de grandes places centrales où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent échanger, où il y a des bâtiments publics, c'est important de le préciser, de grands centres civiques qu'on aimerait construire au centre des villes pour réunir comme ça la population autour de symboles communs. Donc, tout ça fait partie de cette idée d'embellir de la ville, de la rendre plus fonctionnelle et surtout d'amener les gens à l'apprécier et la rendre habitable. Et c'est là, encore une fois, qu'ils sont en rupture avec Homestead. Et Homestead ne croyait pas ça possible et c'est pour ça qu'il est critique, d'ailleurs. Pour lui, ça ne faisait aucun sens d'essayer de sauver la ville. Elle serait toujours désordonnée, inhabitable, etc. Un des aspects fondamentaux de l'idéologie du mouvement City Beautiful, c'est de croire que la ville peut être... On peut la rendre habitable, on peut l'améliorer de manière significative, on peut la rendre désirable, etc. Et c'est associé à un optimisme débordant, il faut le dire, chez ces gens-là. Revenons à Burnham, qui est un peu l'architecte, sans faire de mauvais jeu de mots, de ce mouvement City Beautiful, mais c'est le maître à penser de ce mouvement-là. C'est un homme qui a pour terrain de jeu Chicago, essentiellement. Oui. Donc, c'est pas un hasard, c'est à Chicago que ça commence. Et Chicago est l'une des villes emblématiques du mouvement City Beautiful, beaucoup grâce à Burnham et son fameux plan de 1909. Exact. Qu'est-ce que c'est, ce plan-là? Donc, c'est un peu la culmination du mouvement City Beautiful. Et c'est un peu aussi un peu le début de la fin. Le plan de Burnham à Chicago a beaucoup d'influence, mais peu après, déjà, on sent que le mouvement a perdu de son élan. Mais c'est le grand accomplissement. Donc, en 1906, c'est un peu la Chambre de commerce locale qui demande à Burnham de créer comme ça un grand plan pour planifier le développement de Chicago à long terme. On a vraiment adopté les principes du mouvement City Beautiful. Et à ce moment-là, en 1909, donc effectivement, Burnham soumet ce plan-là à la ville. Il est adopté l'année suivante. Et c'est un plan absolument ambitieux. Aussi, élargissement des routes, création donc d'un certain nombre de bâtiments publics, multiplication des parcs, notamment face au lac Michigan. Et ce qui est impressionnant, évidemment, du plan de 1909-1910, hein, souvent ces plans sont remisés, tablettés, ou on les applique seulement en partie. Ce plan-là va être appliqué de manière, pendant un demi-siècle, le développement de Chicago est guidé par les principes du plan de 1909. On va vraiment mettre en œuvre une majorité des recommandations, des propositions. Donc c'est peut-être le plus grand accomplissement, un des deux ou trois plus grands accomplissements du mouvement City Beautiful. Et qu'on peut encore voir aujourd'hui, le Chicago d'aujourd'hui, c'est encore beaucoup... Oui, il y a des tributaires de ce plan-là. Ce grand parc, effectivement, tous ceux qui sont allés à Chicago peuvent constater le génie qu'il y avait derrière ça. Plein d'autres villes essaieront de redonner accès à l'eau aux gens quand il y a une rivière, une mer, à Montréal, ça nous a pris des années pour reconquérir comme ça. Washington, c'est aussi, après évidemment les grands travaux là, qui vont faire la Washington qu'on connaît, mais il y a quand même une marque City Beautiful à Washington. Absolument. C'est peut-être l'autre grand chantier, l'autre grand succès qui va mettre le mouvement sur la carte, si on veut. Donc là, il faut remonter un peu dans le temps. C'est en 1900 qu'on va contacter Burnham et d'autres. En fait, on veut que Burnham prenne le lead là-dessus. Donc, on veut compléter la modernisation de la ville. La ville se prépare à fêter son 100e anniversaire. On veut compléter en quelque sorte le plan original donc de l'enfant. Et Burnham donc, est sollicité pour faire ça. Et là aussi, donc, le plan qu'il soumet, qui est le plan Macmillan, est un plan qui va guider le redéveloppement de Washington jusqu'à dans les années 20. Donc, on va réaménager complètement ce qu'on appelle le mall. Il y a toute une série justement de promenades qui sont aménagées, réaménagées, dégagées. Et tout ça va se terminer avec le fameux monument Lincoln qu'on connaît bien, qui est un peu la cerise sur le sundae, donc de ce réaménagement presque complet là, de la capitale américaine. Et ce mouvement-là, donc, il va laisser sa marque un peu partout aux États-Unis, mais chez nous aussi, il va traverser la frontière. Et il y a des exemples concrets à Montréal, ailleurs au Canada aussi, du mouvement City Beautiful à Harold Bérubé. Oui, absolument. Les idées du mouvement City Beautiful circulent largement à l'extérieur des États-Unis, notamment au Canada. Donc, on va voir plusieurs architectes canadiens montrer de l'intérêt pour le mouvement. Dans plusieurs cas, on constate que les ressources ne sont pas au rendez-vous pour mettre en place ce genre de choses-là. Mais Maisonneuve est un bel exemple. Quand on développe cette banlieue de classe moyenne donc de Montréal, on veut avoir des bâtiments publics comme ça qui vont donner un cachet particulier à la ville. Le mouvement va avoir également des répercussions à l'extérieur du continent, il faut le dire, à des endroits qu'on ne soupçonnerait peut-être pas. New Delhi, en Inde, donc le gouvernement britannique britannique va vouloir là, développer une ville coloniale anglaise sur les principes du mouvement City Beautiful. La capitale de l'Australie, Canberra, va appel donc à Burnham et à son équipe pour son aménagement donc, dans les années 1900. Et de manière un peu plus troublante, peut-être, les grands dictateurs des années 30 vont retenir surtout la monumentalité des idées du mouvement City Beautiful. Donc, notamment, Mussolini, Hitler. Exactement, et même Staline en Union soviétique. Ouais. Et Albert Speer, donc l'architecte de Hitler, s'inspirait beaucoup de la White City lorsqu'il est venu le temps de planifier de quoi Berlin aurait eu l'air en cas de victoire allemande. Donc, il ne cachait pas donc, son intérêt pour les idées de Burnham. Évidemment, ça a été donc important. Oui. Ça a laissé un héritage concret dans le patrimoine bâti, mais aussi, on citait le maire Lallier au début de l'émission, sur le plan philosophique, il y a eu un héritage du mouvement City Beautiful. Qu'est-ce qui reste de ça? Mais en même temps, Harold Bérubé, quel poids a eu la critique? Parce qu'il y a des gens. On parlait de Sullivan, mais ce n'est pas le seul. Jane Jacobs, une urbaniste importante au Canada, était très critique, par exemple, de ce mouvement-là. Oui, donc très rapidement, le mouvement fait l'objet de toutes sortes de critiques. Dès 1909, lors d'une grande réunion des architectes américains, un des architectes en chef de l'association va dire que, justement, si vous voulez perturber le développement d'une ville, publiez City Beautiful dans les journaux de la ville, ça va être le chaos. Et lui, il va dire à la place, il nous faut une ville pratique, une ville raisonnable, hein, il faut vivre selon nos moyens, etc. Donc, très rapidement, il y a des critiques de cette nature-là. On critique la grandiloquence de certaines des propositions, justement la naïveté de ses promoteurs. Et comme vous le disiez, Jane Jacobs va être un peu sans pitié dans les années 60. Elle va décrire le mouvement City Beautiful comme une sorte de secte d'architectes un peu fermée sur elle-même et insensible aux véritables problèmes de la ville. Est-ce qu'elle-même, Jane Jacobs, qui était pour la mixité, logement social avec du logement plus luxueux. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est le début de l'urbanisme, City Beautiful, et qu'au fond, on peut presque pas avoir une vision moderne de la ville sans se réclamer quelque part de ce mouvement. Ah oui, absolument, absolument. Il faut dire que le mouvement est un peu victime de ces critiques qui ont beaucoup caricaturé ses positions, qui s'éloignaient pas tant que ça de certaines des propositions de Jacobs. Il faut dire que là où elle a probablement raison, c'est que les problèmes de logement n'entraient pas vraiment dans la tête de gens comme Burnham. Il y avait un certain nombre d'angles morts peut-être dans leurs idées, mais effectivement, globalement, les principes étaient sains. Ici, on peut parler un peu de l'héritage du mouvement. Donc, ce sont il y a un certain nombre de monuments, de développements, d'aménagements qui sont encore avec nous aujourd'hui. Mais surtout, il y a un certain nombre d'idées fortes du mouvement qui méritent une certaine postérité. J'en retiendrai peut-être deux. À cette idée qu'il est possible d'embellir de manière fonctionnelle, de lier l'utile à l'agréable. Et surtout, ce qui était vraiment une des assises du mouvement, c'était l'idée de faire ça de manière démocratique. Hein. Il faut que ce genre d'embellissement ne soit pas fait par une sorte de spécialiste, d'expert enfermé dans son bureau, mais fasse l'objet d'un consensus. L'adhésion sociale. Exact. Oui, l'acceptabilité sociale. Exactement. Oui, exact. Aujourd'hui. Absolument. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Harold. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.